caler votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous! Vous êtes sur Fadjet 94.2, bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On va bien sûr vous informer, comme à chaque fois, les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local, voire même national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Et ma partenaire de jeu habituelle, bien évidemment, c'est Anna. Bonjour à toi, comment tu vas ? Ben, je vais bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, pendant ce mois de novembre, un peu grisouillant. Oui, un peu gris, oui. On va essayer de vous faire profiter de toutes nos informations, bien évidemment du jour. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura au sommaire ? Alors, au sommaire aujourd'hui d'un coup d'œil dans le rétro, donc la chronique coup d'œil va s'intéresser à un chanteur célèbre, un chanteur, une icône en fait d'un groupe, le groupe Queen, et donc le chanteur c'est Freddie Mercury, oui. Chanteur moustachu, et c'est tout naturellement qu'après la chronique mode va s'intéresser aux poils. Alors aux poils, mais lesquels ? Bah oui. Les poils des messieurs et notamment effectivement la moustache. Oui, voilà, faut le préciser. Je précise bien sûr. Bien évidemment. Et la chronique après, on enchaînera donc avec la chronique déco pour finir enfin sur les sorties dans la région et un petit peu plus loin. Voilà. D'accord, ça nous promet un beau programme. On est avec vous bien sûr de 17h à 17h30 sur Fadjet 94.2. N'hésitez pas aussi bien évidemment à nous écouter pour ceux qui le peuvent sur le net. Et on donne aussi toutes les petites informations. Donc pareil sur la page Facebook de notre émission Coup d'œil dans le rétro. Alors on va commencer par la chronique donc coup d'œil, et je vous le disais tout à l'heure, donc on a décidé aujourd'hui donc de s'intéresser à Freddie Mercury. Alors François, tu vas nous en parler. Alors oui, justement, Freddie Mercury, parce que, pourquoi Freddie Mercury ? Tu l'as précisé tout à l'heure, non ? Tu l'as pas précisé. Ah non, j'ai pas dit. Voilà. Encore. Freddie Mercury est donc décédé le 24 novembre 91. Hein. Ouais. Il laisse derrière un patrimoine assez extraordinaire, musicalement parlant. Et donc, le monde du rock a perdu l'un de ses chanteurs les plus flamboyants en la personne de Freddie Mercury. Il aurait aujourd'hui 68 ans, tout de même. Donc, je ne sais pas comment il serait. Le bon Freddie, leader du populaire groupe Britannique Queen depuis 1970, il avait 45 ans, donc il était jeune, ouais. De son vrai nom. Alors je ne sais pas si vous le connaissiez, moi non, c'était Farrokh Bulsara, son vrai nom et prénom. C'est donc, pas facile à dire, c'est sûr. C'est pas facile à dire. Ouais. Alors il était réputé pour ses tenues extravagantes et sa technique vocale impressionnante, bien évidemment. Véritable bête de scène, sa performance la plus remarquée eut lieu au stade de Wembley à Londres en 1995 durant le concert de charité de Live Aid. 85, je crois que c'était. 85, ouais, j'ai dit 95. T'as dit 95, mais c'est... En 1995, ouais. Donc effectivement, durant le concert de charité, Queen lui doit des interprétations mémorables de tubes tels que We Will Rock You, bien évidemment, tout le monde connaît. Mm. Je vais arrêter avec bien évidemment, j'arrête pas de le prononcer. Oh, Bohemian Rhapsody ou bien encore The Show Must Go On. Alors ça, c'est un titre repris moult fois. The Show Must Go On. Se sachant donc après atteint du sida, il se produisit une dernière fois avec Queen en 1986 et enregistra également un album solo intitulé Barcelona avec la cantatrice Montserrat Caballé. Sa renommée est encore si vivace qu'il y a une statue de bronze qui a été érigée et à son effigie dans son dernier lieu de résidence, la ville suisse de Montreux. Un timbre a même été édité par la Poste britannique en 99. Et il devait y avoir un film ouais. Il devait sortir en 2014. Ouais. Alors on a recherché, je ne sais pas si... parce qu'il reste plus qu'un mois, donc à mon avis, ce film ne se fera pas. Non, fera certainement, je pense, en courant 2015 et encore... Donc c'est toujours dans les papiers. Ouais, c'est toujours d'actualité, mais voilà. Alors avec l'acteur anglais Ben Whishaw, qui avait incarné le guitariste Keith Richards dans le film sur les Rolling Stones et jouait le tueur dans le parfum de Patrick Susskind, mais a été repoussé en raison de différences sur la classification du film. En clair, la présence ou non des scènes réservées à un public averti, c'est ça en fait. Voilà. Il y aurait finalement des scènes un petit peu choquantes. Voilà, donc ça c'est parce que ça serait un film effectivement sur sa vie et donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en fait sur certaines scènes qu'ils ont envie pour certains de mettre dans le film et pour d'autres pas. Donc c'est un peu difficile. Quoi, d'accord. Donc on a parlé aussi il y a quelques jours de cela, le 10 novembre notamment, qui est sorti une nouvelle compilation, alors qui devrait tourner bientôt. On a que pour l'instant que des petits extraits du groupe Queen intitulé Forever, dans lequel on peut découvrir notamment un duo inédit entre Mercury et Michael Jackson. Ce duo est resté plus de 30 ans dans les tiroirs, hein, à cause d'une brouille entre les deux artistes. D'ailleurs, il y a une photo qui apparaît sur internet où ils sont tous les deux bien jeunes, et c'est donc Michael Jackson venait d'acheter un lama. Oui, alors ça, je pense que, je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui se dit en fait. Il se serait engueulé en fait, à cause de ça, parce que Michael Jackson, qui adorait les animaux, aurait acheté un lama, effectivement, et venait en fait lors des enregistrements avec ce lama, et donc ça a énervé le chanteur. Freddie Mercury supportait pas en fait, donc Un lama, les coquins. Ouais. On a un titre certainement monumental qui traîne dans les tiroirs et qui n'a pas vu le jour, malheureusement, pour un lama. Bon, voilà donc pour Freddie Mercury. Et puis on a aussi ici dans Coup d'œil dans le rétro envie de vous faire découvrir parfois quelques titres méconnus. Certainement celui-ci de Queen, Great King Rat. Vous le connaissez peut-être pas. C'est un des titres intéressants qui fait partie du top 10 des chansons méconnues, hein, du grand public. Ouais. Et un des premiers titres de Queen. On vous laisse écouter. On se retrouve juste après dans Un coup d'œil dans le rétro. First of May, died for this body for on his birthday. Every second what he swore, yes, he was the son of a whore, always wanted by the law. Wouldn't you like to know, or wouldn't you like to know, people? Great King Rat was a dirty old man, and a dirty old man was he. Now what did I tell you, would you like to see? Now hear this, where will I be tomorrow? Will I beg, will I borrow? I don't care, I don't care anyway. Come on, come on, the time is right. The man is evil and that is right. I told you, ah, yes, I told you. And that's no lie. Great King Rat de Queen sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Oui, donc effectivement, c'est un titre de 1973, donc de Queen, Great King Rat. Allez, on poursuit notre émission, il est 17h10, par une chronique habituelle, mais aujourd'hui avec un petit attrait particulier, ça me concerne un petit peu, je dirais c'est la moustache. N'est-ce pas ? Oui, alors aujourd'hui j'avais effectivement envie de vous parler du grand retour de la moustache. On l'a pensé enterrée, mais la moustache effectivement revient, tout comme la barbe de bûcheron d'ailleurs. De ringard, donc elle est devenue tendance et se dessine sur les visages des hommes à la recherche d'une expression beaucoup plus naturelle de la pilosité. Effectivement, après une période de rejet, la moustache fait son grand comeback. La période d'après-guerre avait vu les hommes complètement rejeter la moustache qu'ils avaient trop longtemps portée. C'est vrai qu'à ce moment-là, bah, les hommes voulaient plus des visages un peu lisses. C'est seulement ces dernières années qu'elle est revenue sur le devant de la scène. Et on peut dire aujourd'hui qu'avec l'avènement de la tendance hipster, c'est comme ça qu'on dit, oui. Très inspiré des années 60 et 70, la moustache n'est plus ringarde, puisque effectivement j'ai un monsieur à côté de moi qui en porte une. Par contre, tu peux être ringard, hein, ça, c'est pas problème. Non, parce que c'est le retour de la moustache, il y a de plus en plus d'hommes qui portent la moustache, donc c'est plus ringard, c'est tendance. Donc effectivement, les hommes en fait recherchent plus de naturel, et je trouve que moi ça crée un petit look un peu rétro. Donc si certains hommes s'essaient à des moustaches originales, parce qu'effectivement, il y a tous les styles de moustache. D'autres choisissent une moustache plus courte et plus nette, un peu à l'américaine, qui ne dépasse pas des lèvres et qui suit les contours, en fait. Oui, alors, voilà. Et justement, comment... Alors, j'aimerais bien connaître les secrets d'une belle moustache. Alors, c'est tout un travail, messieurs. Donc déjà, si vous voulez avoir une moustache, donc la première phase, c'est la création. On n'en a pas du tout, Donc, dans un premier temps, il faut se raser. Se raser intégralement, en laissant les poils au-dessus de la bouche jusqu'au coin de la lèvre supérieure. Et surtout, il ne faut pas raser sous le nez pour avoir une moustache en forme de C. C'est très important. Il ne faut pas avoir une moustache en forme de C. Si, le but, c'est d'avoir une moustache en forme de C. Donc, il ne faut pas raser en fait en dessous du nez. Voilà. D'accord. Et en fait, il faut couper les poils à l'aide d'un ciseau. Donc, il faut complètement oublier la tondeuse. Ce que je fais. Voilà. Donc, il faut prendre des ciseaux et donc faire tout le contour de la bouche en suivant le bord de la lèvre supérieure. Hyper important. D'accord. T'as tout compris. J'ai tout compris. Je vais essayer au maximum de l'entretenir. Et côté longueur. Alors côté longueur, donc toujours, faut toujours couper au ciseau. Faut pas dépasser donc les commissures en fait des lèvres. Il est même aussi conseillé en fait de laisser un espace en fait si vous voulez entre les lèvres et Et le haut du nez Et les premiers poils de la moustache, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, faut laisser un petit espace, un petit écart, mais très infime. Les poils ne doivent pas recouvrir la lèvre supérieure. C'est hyper important. Voilà. Donc après la taille aussi, faut quand même penser à l'entretien aussi de cette moustache. Oui, parce qu'il faut pas non plus laisser voguer. Alors c'est des petits poils rebelles un peu qu'il faut maîtriser. Voilà. Donc vous avez la cire à moustache qui existe, donc pour éviter les poils rebelles. Et je vous conseille aussi, messieurs, de faire des gommages pour éviter tous les petits boutons. Vous savez quand vous vous rasez là. Ouais. Ouais. Un petit bouton un peu. Oui, l'irritation aussi, tout ça. Ouais. Voilà. Et un bon plan aussi, je pense, pour rendre le poil un peu moins piquant, parce que les femmes disent souvent que les messieurs à moustache ou les messieurs barbus, ça pique. Ouais. Vous pouvez utiliser des produits à base de protéines de soie. Donc, il y a la marque Aromazone qui en fait, c'est comme des petites fioles, vous savez, les petites fioles d'huile essentielle, ça se présente sous la même forme. Donc, Aromazone, pour 2,50€, en fait, vous pouvez commander sur Internet et vous en appliquer sur la moustache. D'accord. Voilà. Et alors, justement, à Nancy, si on a envie de se faire entretenir la moustache, alors il y a des barbiers, c'est cela? Oui, donc vous avez le 11 Appart Coiffeur. En fait, c'est un coiffeur dans un appart, mais qui fait aussi, qui s'occupe aussi de vos poils, messieurs. De votre barbe, de votre moustache, qui peut la tailler, la rendre jolie. Et il y a aussi le Sons Barbershop, c'est ça? Oui. On peut d'ailleurs trouver un kit de rasage d'une personne qu'on connaît. Oui. Il y en a l'artisan verrier nancéen Théo Elever, qui est composé d'un blaireau 100% blaireau premium et d'un rasoir de sûreté de haute qualité, le tout façonné à la main avec une magnifique robe de verre. Mais il y a aussi des sites de livraison à domicile? Oui, j'ai trouvé ça aussi. Donc c'est un peu comme à la mode des box, les femmes connaissent. Il y a le site Big Moustache et le site Monsieur Barbier. En fait, vous pouvez commander pour recevoir des kits, en fait, des kits avec des rasoirs assez de qualité assez haute et plusieurs lames. Donc, tout ça pour les barbus, moustachus ou autres amateurs de bouc. Alors, justement, on en parlait en ce mois de novembre. C'est surtout aussi pour la fondation Movember qu'on utilise et qu'on met en avant la moustache. Et on appelle les hommes à se faire pousser la moustache pendant un mois à compter du 1er novembre pour sensibiliser aux maladies masculines. Donc, changer le visage de la santé masculine, c'est l'objectif de Movember, qui est un mouvement lancé en Australie en 2003 pour favoriser la prévention des maladies qui touchent les hommes, en particulier le cancer de la prostate. Partout dans le monde, les messieurs sont invités à porter haut la moustache durant tout le mois de novembre comme symbole de leur engagement afin de sensibiliser leur entourage et aider au recueil de dons. Voilà. Et moi, effectivement, je la porte toute l'année. Je ne sais pas si on fait la guerre entre les moustaches et les barbus. Je vois plus de barbus. barbus quand même. Je vois quand même plus de barbus jeunes, plus que de jeunes qui ont des moustaches hein, ouais, aujourd'hui. C'est vrai. Après, voilà, c'est est-ce qu'on est soit l'un, soit l'autre. Je sais pas. Après, c'est... C'est au choix. Moi, ouais. J'aime bien pour l'instant la moustache, mais c'est aussi par défaut parce que je ne peux me faire pousser la barbe qui, malheureusement, veut pousser comme elle a envie de pousser, c'est-à-dire à des endroits un petit peu particuliers, parsemés sur mon visage. Mais je l'assume, elle me plaît. C'est pas Elvis qui me dira le contraire. Je sais pas s'il avait une moustache, Elvis, hein. Oh, il a dû en avoir une à un moment donné, oui, je pense. Allez, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro, les 5h15 minutes, 17h15. Elvis Presley, How Dog dans un coup d'œil dans le rétro. Vous êtes sur Fadjet 94.2 et nous venons d'écouter Elvis Presley, pardon, Out Dog dans Coup d'œil dans le rétro. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94.2 en modulation de fréquence. Alors notre émission est interactive, je viens d'avoir exclusivement un petit message privé, bien évidemment, donc je le dis sur notre page fan coup d'œil dans le rétro. Je réitère, donc vous pouvez retrouver tout simplement ce kit donc de pour barbe, ce kit d'entretien Barbershop, c'est rue Saint-Dizier donc à Nancy. Allez, on poursuit l'émission. Oui, on poursuit l'émission donc avec la chronique déco. Tu vas nous parler d'un objet des années 70, un objet incontournable, la pomme à glaçons. Alors oui, c'est un objet incontournable. D'ailleurs, on en trouve pas mal encore sur les brocantes, les vide-greniers, les trocs, sur Internet. On leur fait très attention parce qu'effectivement, ça s'envole un peu les prix. Hein. Ils s'énervent un petit peu. Ça n'est que du plastique. C'est un objet incontournable quand on est fan de vintage. Je vais vous en parler. C'est de la pomme à glaçons. Cette pomme, maintenant classée objet culte, posée sur toutes les tables, et était emblématique des années 70. Déclinée en plusieurs formes, la pomme, la poire ou encore en forme de boule de bowling et en plusieurs couleurs. Elle était le plus souvent en matière plastique. Elle donnait un côté peps à votre intérieur. Elle est utilisée pour sa fonction première, elle garde vos glaçons au frais pour l'apéro. Mais on peut aussi également, si on en a envie, vous en servir pour des bonbons, des gâteaux, des bijoux. On peut aussi l'utiliser comme élément de déco. Et elle mettra une touche de couleur donc à notre intérieur. Alors nous, on en possède une orange, ouais. On en voit des rouges le plus souvent. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs effectivement qui tournent. De toutes les couleurs, des rouges, des jaunes, des verts, plein partout, on en voit de plus en plus effectivement. Et donc on peut le trouver notamment aussi en magasin parce qu'il y a pas mal de rééditions. Donc ça, vous pouvez en trouver un petit peu partout, donc dans les boutiques de déco pour trouver donc des authentiques à moins cher. Alors il y en a encore, on vante un petit peu cette structure, hein, même si on n'a pas l'action là-bas, hein, bien évidemment, mais on y va souvent... dénicher des petites choses. C'est chez Troc de Lille, donc à Pulnois, qui est un gros, gros entrepôt où on trouve beaucoup de choses, même si aujourd'hui c'est de plus en plus prisé, hein, oui, les objets déco rétro, le mobilier aussi rétro, surtout le style scandinave. D'ailleurs, on pourra peut-être en reparler pour ceux qui nous écoutent que depuis peu sur ce modèle, ce mobilier scandinave qui est toujours très, très, très, très demandé et encore une fois, les prix s'envolent. Donc, n'hésitez pas, il faut prendre du temps, on déniche. Et dans la déco, on a un petit problème, c'est qu'on ne peut pas avoir les choses quand on veut les avoir. Il faut chiner. Ouais. Il faut être patient. Voilà, faut aller faire les brocantes, faut aller faire les trocs et faut être patient et surtout dénicher quoi. C'est vraiment ça, on prend du temps quoi, et notamment aussi aux puces, hein, même si je crois que les puces se terminent peut-être à Nancy là. Il y a encore une édition dimanche prochain, ce week-end, ouais. Donc on vous en parlera tout à l'heure dans les sorties à faire pendant tout ce mois de novembre, et aussi notamment sur le net vous pouvez retrouver cette belle pomme, donc sur le site internet V comme Vintage, notre petite chouchoute, mais aussi sur eBay, enfin voilà, on en trouve assez facilement. Simplement, voilà, l'intérêt c'est de les trouver à des prix abordables. C'est pour ça que nous on essaye tant qu'on peut de ne pas faire de ou ne pas récupérer, enfin de surtout de récupérer mais de pas faire de la réédition. Oui, puis des fois en fouillant bien un peu aussi chez ses grands-parents on trouve des trésors. Et puis ça a une vie, et ça c'est ce qui est intéressant aussi, surtout dans le style rétro, dans le mode de vie rétro, c'est souvent ce dont on veut faire passer comme message, c'est que c'est aussi un mode de vie. Alors c'est pas évident, notamment on parlait de Nini Gambette la dernière fois parce qu'elle adopte une tenue vestimentaire qui est bien ciblée à une époque particulière. Et donc aujourd'hui, quand on marche dans la rue comme ça, les gens pensent qu'on est déguisé. Mais non, c'est un vrai mode de vie, je pense. C'est qu'il faut, essayer de, quand on se fait plaisir, de s'adapter, quoi, tout simplement. Mmh. Allez, on s'écoute une petite musique. Oui, allez. On la connaît tous. Let's Twist Again de Chubby Checker, hein, ceux qui ne connaissent pas l'artiste. Il nous reste une dizaine de minutes pour un coup d'œil dans le rétro. On se retrouve juste après ça. Chubby Checker, let's twist again. Vous écoutez Fadjet. Alors vous êtes toujours à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro avec cette petite musique guillorette électro cabaret whistling de Pierre Terrasse, hein, qui nous sert un peu de nappe, comme on le dit dans le métier de la radio. On la trouve plutôt sympathique et guillorette. Alors il nous reste 5 minutes pour évoquer finalement les sorties que l'on va pouvoir faire pendant tout ce mois, parce que c'est vrai que c'est une mensuelle l'émission, donc en règle générale on va mettre les sorties jusqu'avant les vacances de Noël. Donc Anna, alors qu'est-ce qu'on peut faire déjà à partir de ce week-end? Alors ce week-end, donc à partir d'aujourd'hui, donc vendredi et jusqu'à lundi, au parc des expositions donc de Metz, vous avez la 36e salon des antiquitaires et des arts décoratifs, où on peut retrouver notamment V comme Vintage, donc notre petite boutique qu'on aime bien. L'entrée est à 7 euros et c'est gratuit donc pour les femmes lundi. Donc mesdames, lundi, si vous ne savez pas quoi faire, je vous invite à y aller quoi. Voilà. Toujours ce week-end, donc demain samedi de 15h à 18h, il y a un vide dressing des enfants au Blue Book Art à Nancy, où vous pourrez dénicher des vêtements, accessoires, jouets et du mobilier donc pour vos chérubins. Voilà. Et puis dimanche, donc je le disais tout à l'heure, il y a les puces donc en vieille ville de Nancy. Vous pouvez aller dénicher plein de petits objets. Vous avez aussi toujours dimanche le Troc à musique 2014, donc à l'espace Jean Jaurès de Tomblaine. En fait, c'est l'association Rock and Lore, dont l'activité est de promouvoir la musique en Lorraine, qui a décidé pour la troisième fois de réunir les passionnés comme les moins initiés. Donc c'est l'occasion de dénicher du matériel de musique, mais aussi des vinyles. L'entrée c'est 2 euros et c'est de 9h à 18h. Voilà pour ce week-end. Ça c'est pour le week-end. Et le week-end prochain, donc samedi 29 novembre, alors il y aura une soirée West Coast Swing à la salle de Cap Danse à l'Axou à partir de 20h30. L'entrée de 3 euros est gratuité pour les adhérents. C'est une soirée au profit du Téléthon avec le Rock Club de Malzéville. Le Rock Club de Malzéville auquel nous participons donc en tant que danseur apprenti au foyer. Donc là c'est Gérard Léonard à Saint-Max de 20h30 à 1h. Voilà, donc ça c'est deux soirées, la première donc avec Cap Danse et la deuxième avec le Rock Club de Malzéville. Et dimanche 30 novembre, d'ailleurs on essaiera dans les prochaines semaines d'avoir un invité lié à cela, c'est un rassemblement de voitures anciennes et sportives au château de Lunéville. Aussi les collectionneurs de voitures anciennes apprécieront. C'est entre 12h et 18h, c'est cela? Et 13h, non, 12h et 13h, en fait, c'est selon le passage en fait, des voitures. Donc, ah oui, donc faut être précis là. Ouais. Faut être précis, c'est dimanche 30 novembre. Et en décembre, Anna? Alors en décembre, on pousse un petit peu plus loin, hein, parce que notre prochaine émission sera pas tout de suite, donc on va vous parler du mois de décembre, le 4 et le 5 décembre. Donc il y a la soirée Téléthon à la salle des fêtes de Gerville, donc à 21h avec Wilfried Danse. Vous avez aussi le jeudi 11, donc la machine à vapeur qui va se transformer en boutique éphémère avec un vide dressing, donc à partir de 19h30. Oui. Toujours en décembre, je pousse un petit peu le vendredi 12, donc vous avez l'apéro burlesque de 19h30 à 21h à la boutique Lady Mistigri à Strasbourg. Tenue burlesque et coquette exigée, donc avec un thème qui sera sur les bas. Pour toute inscription et réservation, donc c'est sur le site de lunamoka@.com. Et en fait, on va toujours pousser un petit peu plus loin. On va aller jusqu'en janvier, mais on vous en reparlera le 24 et le 25 janvier, donc 2015, donc l'année prochaine. Wilfried donc organisera donc un prochain stage de danse. Pour tout renseignement, donc vous pouvez aller sur son site wilfrieddanse.fr. Voilà. Donc c'est pas mal, il y a pas mal d'actualités, il y a pas mal de choses à faire. Nous, en ce qui concerne notre prochain rendez-vous, c'est le 19 décembre, ici, à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro. Dernière émission. C'est la dernière émission de l'année. Ouais, on essaiera de faire une petite émission. Une petite spéciale, quoi. Une petite spéciale Noël. Vintage. Ouais. Bien sûr, on vous donne aussi rendez-vous sur notre page fan. Hein. N'hésitez pas à aller la consulter. On essaye de vous faire part de nos goûts. Alors, c'est personnel, bien évidemment, mais ce qu'on trouve sympa dans la déco vintage, dans la mode, dans les artistes, mais aussi, pourquoi pas, n'hésitez surtout pas à laisser des informations concernant vos soirées, vos actualités autour de ce monde rétro, on va dire local, hein, parce que c'est approprié. Et donc, les sorties aussi, n'hésitez pas à nous en faire part et même voir à vous proposer comme invité, parce qu'on trouve ça plutôt sympa de donner la parole à ces acteurs du monde rétro ici. Ici, sur Nancy et même en Lorraine. C'est vrai. Et ben, il va être le temps de terminer notre belle émission. On se retrouve le mois prochain, le 19 décembre. Oui. On vous dit à bientôt. À bientôt. La semaine prochaine? Non, l'émission après nous, c'est... Ah bah oui, l'émission après nous, c'est les voyages de Pascal. J'allais l'oublier, excuse-moi. C'est les voyages de Pascal juste après nous. On vous donne rendez-vous le 19 décembre. Bon bah bon petit mois à tous. Bisous, bisous. Bien. À bisous, ciao, ciao.